sourire de l'enfant qui joue dans la lumière, larmes de 30 ans qui coulent dans la terre, rien de moins troublant que le réverbère reflétant le temps. Et le temps me donne le temps, me donne le temps et s'en va, un courant d'air sur les toits, un peu d'air pour moi et pour moi. Ainsi va la vie, ainsi, faite de blanc, faite de gris. Ainsi va la vie, ainsi, faite d'un jour, faite de nuit. Ton regard à toi, c'est une lumière, mon amour à moi, un vrai cerbère, rien de plus joli que le réverbère, Paris sous la pluie. Et la pluie me donne l'envie, me donne l'envie de toi, que je ne partage pas, non, que je garde pour moi et pour moi. Ainsi va la vie, ainsi, faite de cris. Ainsi va la vie, ainsi, faite d'un jour, faite d'une nuit. Toi, il est clair, rien d'étonnant.